Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons un Dieu qui est grand. Oui, ne regarde pas la grandeur de ton problème, ma sœur. Regarde la grandeur de ce Dieu. Il fait de grandes choses. Il est capable de résoudre ton problème. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Réveille-toi, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 4, versets 21 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Marc 4, 21, 25. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous les lits? N'est-ce pas pour la mettre sur les chandeliers? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Trois vérités clés se dégagent de ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. La lampe ne doit pas être cachée sous les boisseaux ou sous les lits. La lampe doit servir à éclairer. C'est pourquoi on la met sous les chandeliers. Jésus parle en parabole. Il veut dire que nous, les chrétiens, nous sommes des lumières. Quelque part, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Je vais parler à toi, mon frère. Comment se fait-il que tu veux être chrétien en cachette? Au travail, là où tu es, rien ne montre que tu es chrétien. On ne te dit pas de faire publicité, mais par ta vie, il faudrait que les autres voient la vie de Jésus en toi, par ton témoignage. Tu dois éclairer les autres. Quand on parle de corruption au niveau de ton travail, toi, tu ne dois pas être cité. C'est en cela que tu dois éclairer les autres. Lorsque les autres sont dans la débauche, ils trompent leur femme, ils trompent leur mari. Mais ma sœur, toi, tu ne peux pas être dedans. Il faut que toi, tu éclaires les autres, que tu leur donnes des conseils. C'est ça la lumière. C'est-à-dire que tu es une lampe. Si toi, tu te tais, c'est-à-dire ou bien tu ne parles pas de ton Dieu, tu ne parles pas de Jésus, c'est comme une lampe qu'on met en dessous du lit. Une lampe qu'on met en dessous du lit ne va servir à rien. C'est pourquoi tu dois briller, tu dois éclairer les gens autour de toi. Je vais parler à un jeune élève, écoute-moi bien. Dans ta classe là, il y a des gens, des jeunes qui se droguent, des jeunes qui fument, des jeunes qui corrompent pour avoir de bonnes notes. Mais toi qui es chrétien, tu ne dois pas suivre leur exemple. Au contraire, tu devras les éclairer en leur prodiguant des conseils, en disant que ces pratiques là ne sont pas des bonnes pratiques. Tu vois, lorsque tu fais cela, tu es une lampe qui éclaire les autres. Tu dois éclairer les autres. Nous sommes la lumière du monde. Il faut qu'aujourd'hui l'église joue ce rôle-là. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre l'église et le monde. Ce qui se fait dans le monde-là, on ne devait pas le retrouver dans l'église. C'est pourquoi l'église doit éclairer le monde. Jésus dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous les lits? N'est-ce pas pour la mettre sur les chandeliers? Deuxième vérité, nous ne pouvons rien cacher qui ne sera découvert. Il y a des gens qui font des choses en cachette. Je vais parler à un monsieur. Tu as la grâce d'aller de temps en temps en mission à Paris, en mission en Suisse. Mais ce que tu fais là n'est pas bon. Tu trompes ta femme et tu t'en vas dans des chambres d'hôtel avec des petites filles, mon ami. Et pourtant, tu te dis que tu es chrétien. Ce que tu fais là, tu trompes les autres parce que tu t'arranges avec les réceptionnistes. Hein. Tu t'arranges même pour que ton nom ne soit pas connu quelque part. Tu changes même parfois d'identité. Mon ami, ce que tu fais en cachette là, Jésus va te dévoiler un jour. Il faut que tu te répandes. En cette fin d'année là, il faut que ce que tu comptes faire, toi qui planifies d'aller à la plage là, hein, quelque part, à la plage avec une jeune fille, avec une amante, et tu es en train de tromper ta femme que non, vous aurez une réunion du conseil d'administration. Mon ami, je vais t'avertir que ce n'est pas bon ce que tu fais là. Dieu n'est pas content de tout ce que tu fais. Tu aimes souvent tromper, mais le Seigneur va te dévoiler. Il est dit au verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Vous connaissez l'histoire d'un certain Achan au temps de Josué. Il était interdit de toucher ce qu'on appelait l'interdit, c'est-à-dire les objets, que ce soit des objets d'or, d'argent, qu'on devrait trouver dans la ville de Jéricho. C'était interdit de les dissimuler, de les toucher. Mais c'est Achan-là. Comme il n'y avait personne, il a pris un lingot d'or, un manteau de chinéa, il a caché, il a dit que personne ne saura. Je vais te parler, toi mon ami, tu fais des choses en cachette, Dieu va te dévoiler. Et nous savons comment l'histoire était finie. Dieu a dévoilé Achan et on l'a brûlé, mon ami. Nous arrivons vers la fin de l'année. Laisse ces histoires que tu fais en cachette. Marche dans la transparence, repens-toi. Cesse de faire des choses que tu fais. Je vais parler à quelqu'un. Toi qui te dis homme de Dieu, écoute-moi bien. Tu as une sœur avec laquelle tu marches, tu dis que c'est ton protocole, c'est ta secrétaire. Mais toi-même, tu sais que les relations entre toi et cette sœur-là ne sont pas des relations propres. Tu connais ce que tu fais. Ce que tu fais même, oui, quand tu reçois les gens au bureau, tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Je veux te dire, le Seigneur me demande de te dire, si tu m'entends, de te repentir de ces pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Tu as été appelé non pas à commettre des abominations, mais tu as été appelé à prêcher l'évangile et à marcher dans la sainteté et dans la droiture. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Un jour, le Seigneur mettra à jour tout ce que nous faisons en cachette. C'est pourquoi le verset 23 dit, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Troisième vérité concerne ce que nous entendons. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous suivez les conseils, vous suivez les enseignements, vous devez prendre garde. Si vous les écoutez seulement pour les enfouir et ne pas les pratiquer, attention, vous risquez d'être jugé plus sévèrement. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit au verset 24. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut que cette parole porte des fruits. Il faut que tu puisses fructifier ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Dans le cas contraire, on risque de t'ôter même le peu que tu as. Donc, fais attention. Notre rôle en tant que chrétien ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu et à ne pas pratiquer ce que Dieu nous demande. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois pratiquer ce que tu entends. Il y a beaucoup de gens qui participent à des séminaires, qui vont même à des écoles bibliques. Mais il y a un décalage entre ce qu'ils apprennent et leur propre vie. Jacques pouvait dire, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas. En écoutant, ne vous bornez pas par des faux raisonnements, mais vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, prenez garde donc à ce que vous entendez, parce qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Oh, que le Seigneur nous aide à être des auditeurs qui mettent en pratique la parole de Dieu et non des auditeurs oubliés. Que Dieu nous aide. Oh, je voudrais ce matin que quelqu'un qui m'entend commence à se disposer pour bénir le Seigneur, le Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, le Dieu qui t'a protégé toute cette nuit et il permet que tu vois ce mois. Il permet que tu t'approches de la fin de l'année pour le célébrer, le louer, le glorifier. Tu vas élever la voix pour chanter avec nous ces cantiques pour sa gloire. À Dieu, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Élevons ensemble nos voix. Commençons à dire merci à Dieu. Bénissons son Saint-Nom. La force dans la prière. enfance dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sois béni, Seigneur Jésus, toi, la lumière du monde. Sois magnifié, toi qui nous éclaires, afin que nous puissions éclairer les autres. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait de nous des lumières. Nous t'élevons en ce moment, ô notre Seigneur, toi le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui voit tout. Rien n'est caché devant toi, devant qui nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi, le Seigneur des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à mettre en pratique ta parole. Oh, que l'honneur te revienne, notre Père, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB. O veut dire opération, S c'est sur, B brèche. OSB, nous nous tenons à partir de 5h. Temps universel chaque matin pour prier selon l'Écriture sainte. Et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. Nous sommes des lumières. Jésus dit, on n'apporte pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous les lits. Mais on doit la mettre sur les chandeliers pour qu'elle puisse éclairer les autres. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne cette occasion de briller, d'éclairer les autres par ta vie, par ton témoignage, par la parole que tu prêches, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, si tu es étudiant ou élève. Partout où tu es, tu dois briller pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres, pour éclairer ceux qui vivent dans le péché. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Qui est comme toi, ô Père éternel? Qui est comme toi plein d'amour? Qui est comme toi plein de tendresse? Qui est comme toi plein de miséricorde? C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous sécurise chaque jour. Lorsque nous tournons vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Ce matin, ô Père éternel, nous venons à toi tel que nous sommes, exprimer notre reconnaissance d'être appelés enfants de Dieu. Et nous voulons Que par ton Esprit Saint, tu nous donnes la force de demeurer enfants de Dieu et de demeurer un modèle. Que notre vie soit un témoignage et que nous puissions, dans tout ce que nous faisons, briller pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres, éclairer ceux qui vivent dans le péché. Père éternel, fais en sorte que nous soyons un exemple, une référence dans tout ce que nous faisons, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, dans notre foyer, à l'église, partout où nous nous rendons. Fais en sorte, ô Père éternel, que notre lumière brille et qu'elle éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la force de toujours résister contre les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour cette grâce que tu maintiens chaque jour en nous et que nos forces sont régulièrement renouvelées. Merci Père éternel pour la sécurité que tu nous donnes dans tout ce que nous entreprenons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir qu'il n'y a rien des secrets, des cachets qui ne doivent être découverts. Rien de secrets qui ne doivent être mis au jour. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que depuis longtemps, il y a un péché que tu caches, mon ami. Tu as fait un enfant avant le mariage. Et jusque-là, tu caches à ta femme. Tu caches à ton mari. Tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas prendre l'occasion. Tu vas prendre des dispositions pour dire cela. Il n'y a rien de caché. S'il y a des choses que tu as cachées, des péchés même que tu as cachés, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il puisse aider aussi tous ceux qui vivent dans nos églises, qui font des choses en cachette, des choses ignobles, qu'ils puissent se repentir. Parce qu'il n'y a rien, rien qui ne peut être caché devant Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, parce que tu es saint, saint et saint, tu es lumière, et rien n'est caché devant toi. Ta parole est notre lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Dieu tout-puissant, Dieu véritable, Dieu vivant, merci, parce que tout est nu devant toi et nous croyons nous cacher. Nous croyons que nous pouvons te tromper, Seigneur. Oui, tout ce qui est caché est mis à nu devant ta parole, est mis à nu sous le pouvoir du Saint-Esprit. Nous voulons te demander de véritablement aider tes enfants, tes serviteurs à vivre une vie de repentance, une vie de confession, une vie de crainte de Dieu, Seigneur. Nous te supplions ce matin, cela détruit nos vies, détruit nos ministères, détruit nos foyers, détruit nos relations avec toi, avec nos bien-aimés frères. Nous te supplions, aide-nous à venir devant toi, à venir devant toi, à nous plonger dans le sang de l'agneau, afin que tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies, car le pardon se trouve auprès de toi. On ne peut pas te servir dans le désordre. On ne peut pas te servir en vivant en pratiquant le péché au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Prenez garde à ce que vous entendez. Lorsque vous suivez les enseignements bibliques, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, comme vous le faites chaque matin à OSB, il faut le mettre en pratique. Je vais parler à quelqu'un, tu dis, peut-être que ma femme est partie dire quelque chose à ce monsieur qui parle. Il n'y a personne qui est venu me parler, parce que le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il te parle à toi. Il dévoile ce que tu fais en cachette pour que tu puisses te repentir. Oh, tu vas prier le Seigneur pour lui demander la grâce de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique les enseignements que tu entends chaque jour à la radio Fréquence Vie et chaque jour, même au niveau de l'église, chaque dimanche. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci pour cette merveilleuse, parole que tu nous donnes. Il est écrit dans le psaume 119, au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des auditeurs qui acceptent, mettent ta parole en pratique, qui vit selon ta parole, qui médite ta parole. Seigneur, merci parce que, oui, ceux qui, oh Dieu, oublient facilement la parole, les enseignements reçus par la chaîne de la radio Fréquence Vie, les enseignements reçus à l'église, Seigneur, c'est des chrétiens qui ne savent où aller, c'est des flottants. Seigneur, notre Dieu, nous prions que ces gens de personnes se répandent, ces gens de personnes abandonnent leurs mauvais actes, leurs mauvaises pensées. Ces gens de personnes, Seigneur notre Dieu, c'est des gens qui caressent des péchés. C'est pour cela, nous prions que tu leur donnes de se repentir, qu'elles confessent et qu'elles viennent à toi. Merci, Papa. Nous voulons avancer avec toi. Car, Seigneur, le serviteur et la servante, c'est celui qui pratique ta parole. C'est celui qui vit, qui craint ta parole. Merci parce que, en te servant, en mettant ta parole en pratique, nous sommes sujets de bénédiction. Nous sommes sujets de délivrance, de grâce, de faveur. Merci et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous. C'est le samedi 26 décembre 2015, à partir de 9h. Venez tous à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Adjamé à Abidjan, à cette grande rencontre d'Action des Grâces que nous appelons spécial OSB d'Action des Grâces. Thème, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est Dieu qui t'a béni par OSB. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a donné l'élévation, qui t'a donné le travail, qui t'a donné le mariage. Viens lui dire merci. C'est ce que nous allons faire ce jour-là. Ne manquez pas ce rendez-vous à partir de 9h jusqu'à 13h. Mais nous rappelons notre rencontre de ce dimanche pour le couple marié, bonheur conjugal. Nous allons parler de comment manifester ou exprimer votre amour à votre conjoint. Ne manquez pas cet enseignement qui va vous aider à vous rapprocher de votre mari et de votre femme, surtout à la fin des années, à la fin de l'année où nous célébrons les fêtes. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB et à demain.